Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Le thé et le goûter de Xavier Antoire dans Tais-toi et cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. C'est assemblage requis, ça commence encore un autre lundi. Et la moustache, là, ça pique. Ça fait du micro. Oui, ça pique entre autres sur le micro. Et ailleurs. Bienvenue à l'assemblage requis. On se le dit 28 novembre 2011, 7h03. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et c'est la dernière semaine de Movember. Oui! Enfin! Ça finit quoi? Ça finit jeudi. C'est ça, jeudi, c'est le rasage, le rasoton à la chasse-galerie. On a tous très, très hâte de pouvoir se débarrasser de ça. Et arriver vendredi, tout nu. Tout nu. Tout de nu, la face. Ben oui, tout nu de la face. Bien entendu. Évidemment, c'est casual Friday partout, mais là, de là à casual complètement nu, c'est un petit peu bizarre. Hein? Bon. Donc, passe une belle fin de semaine, François? Ouais, oui. Toi? Oui, oui, peinturé en fin de semaine, moi. Oh, oui. Ça plaisait, ça. Déménagement en perspective, encore une fois, hein, c'est pas une reprise de l'année passée où je disais la même chose à peu près à cette époque-ci de l'année. Hein? Tu te rappelles pas, j'ai déménagé l'année passée aussi, non? C'était en même temps? À peu près, oui. Ah, ouais, pour vrai? Déménagé en janvier. Non, je me rappelais pas du temps où t'avais déménagé. On a vraiment des bonnes idées, nous autres. Ouais, quoi? Ouais. Tout le temps hors norme, hein, Mathieu Plante. Ouais, ben moi, je veux pas avoir de Noël, de fête. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes bien occupé ça. C'est pour les lâches. C'est ça. C'est comme dormir. C'est pour les faibles. Donc aujourd'hui, à l'émission, on a plein de bonnes choses pour vous. Ça va être rempli, comme toujours. Kiwan va être avec nous à 7h15 pour sa chronique Kiwan en cavale. On va entendre trois groupes, je crois, canadiens, parce que d'habitude, c'est de la musique canadienne que Kiwan nous présente, mais j'ai aucune idée le lien entre ces groupes-là. On a The Leptonians, Royal Canoe et Les Jupes. OK. OK. Je ne connais aucun. Moi non plus. Ben, c'est ça. On découvre des choses avec lui. Ensuite, il y aura la chronique Le Bulletin Geek CNX. Hein? On commence une nouvelle semaine spéciale. C'est la semaine des chansons connues version chiptune. Oh! Oh! Toutes des covers. Des covers de chansons indie rock, par contre. Des choses que vous connaissez de ces fous et des choses comme que vous pouvez avoir deviné. Ah, je te dis pas. Ben, est-ce qu'on peut avoir un indice? Ah ouais donc. Un groupe que t'aimes beaucoup, entre autres, qu'on fait jouer fréquemment grâce à toi, surtout. Même deux groupes que tu vas particulièrement apprécier et l'autre que c'est plus moi, mais toi, je sais pas si t'aimes tant que ça. Quoi? On veut un groupe. Juste un groupe, il va y avoir du Metric là-dedans. Oh! Ah oui. Ah oui. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, faut que tu devines. Hein? Faut que tu devines, tantôt. Tantôt. Hey, joue à mon jeu, François. Ben, devine. Je vais la faire jouer tantôt. Ben ouais. On va la jouer, puis tu vas deviner après. OK. Je te demanderai pas de deviner avant. Okay. Ça reste vraiment le jeu. Ensuite, à 8h, Xavier Antoire avec sa chronique Tais-toi et cuisine. On va lui parler de thé. De thé, de cuisine. Et de cuisine. Il parle pas vraiment de toi, par contre. Ah, c'est encore l'autre. Je l'ai vu quand? Vendredi, lors de la distribution du journal. Et puis, je pense qu'il y a une nouvelle à nous annoncer. Une nouvelle à nous annoncer? J'espère qu'il ne quitte pas l'émission. Là. Je sais pas. Mais quand même. Je sais pas. Moi, j'ai demandé, est-ce que tu t'en vas à Québec par hasard? Ah, il déménage pour son travail. Et il a pas voulu s'avancer, donc je sais pas. Ça on va perdre Xavier. Non. Mais non? Peut-être pas. Peut-être que c'est moi qui spécule de... Ouais, pour rien, mais... en tout cas, j'avais une drôle de d'intuition. D'accord. Ton intuition... On va voir si elle est bonne. On va voir. Et puis à 8h30, Nicolas Ducharme sera en studio pour parler sport. Hein? Lui qui n'était pas là la semaine passée, donc il va nous résumer les actualités sportives de la fin de semaine et peut-être au-delà dans peut-être quelque chose qui l'a marqué depuis son absence, on sait pas. Mm-hmm. Donc ça, c'est à 8h30 en fin d'émission. Mais pour l'instant, on débute en musique avec les Dale Hawerchuk qui est une entrée du palmarès francophone. Voici Poche pleine d'or au 89.1 FM. The Suburbs. Oui. Excellente pièce de la formation Arcade Fire. Ouais, moi un peu comme la semaine passée, je suis encore en train de prendre des photos de moi pour Movember en même temps qu'on se parle. Oh, ça, ouais. C'est le fun. Faut jamais mes écouteurs. Par contre, sinon j'ai l'air un petit peu stupide avec mes écouteurs. Ça aplatit mes cheveux dans mes mains, ça. Oh boy. C'est une vraie femme. Voilà, hey, puis là je vais mettre ça sur Facebook, ça va être écœurant. Bon, parle-moi de ça. On va partager ça avec Key One, ça te tente-tu? Mm-hmm. Lui aussi, c'est un moustachu barbu. Ben oui. Ben, un homme à moustache. Un homme de poil. Voici Key One en cavale. Bon matin, Kiwan. Hey, bon matin à vous. Bon matin, ça va bien? Ben oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va. Super, c'est la dernière semaine de Movember. Ben oui, on est nostalgique un peu, on commence déjà à se préparer pour tailler ça. Ben, on attend ça depuis le 1er novembre, de toute façon. Hein? Ouais, donc tu vas mettre tes dernières photos, là. C'est quoi tes derniers jours là, à vivre avec ça? Mais en même temps, toi, t'es quand même velu à l'année longue. Là. Qu'est-ce que tu vas raser? Qu'est-ce que t'as en ce moment dans ta face et qu'est-ce que tu vas raser? Ah ben là, je l'entretiens encore à 100% là, la moustache, donc je me suis rasé encore ce matin, donc il va falloir que je recommence vraiment à zéro là, pour refaire pousser ma barbe, mais non, là, pour l'instant, je vous dirais que la moustache est dans un état assez respectable, là. Elle s'en vient, s'en vient assez fluffy, elle pogne dans le vent un peu, là. À bas au vent, je dirais. On aime ça. En tout cas, moi, je l'imagine pleinement. À bas au vent. Bon, oui. Je vais vous montrer ça tantôt. Ouais, quand je parle, disons, elle s'est allée un peu dans le vent. Là. Ah oui? T'as un petit climat autour de ça? Là. T'as une faune et une fleur là-dedans? Ouais, non, peut-être pas tant finalement. D'accord. Donc, Kiwan, on va proposer aux gens une dernière fois, en tout cas une des dernières fois, on va faire un blitz final, genre, pour aller faire des dons sur la page des Foustaches. Hein? Ça, c'est le groupe C'est Fou là, de moustaches. On se comprend, la combinaison est gagnante là-dedans ici. Là. Tu trouves pas, toi? Ouais. Eh oui, c'est un très bon jeu de mots et ça serait le fun hein, que les gens nous encouragent pour qu'on n'ait pas eu l'air ridicule pendant un mois pour rien. Pour rien, ouais, exact. C'est ça. Donc, l'adresse est la suivante, c'est mobro.co, mobro.co, / c'est fou. Évidemment, le lien est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. On va s'assurer de le mettre en haut de la page là, parce qu'il était là, mais plus bas. Là, pour que vous puissiez faire vos dons d'un minimum de... Combien est-ce qu'on demande aux gens? Là, de... 10$. Ah, OK. Ben, pourquoi pas 10$? En tout cas, moi, on va faire ça, 10$. Capable de faire ça. Hein? Là, à date, là, on a juste 10$ d'amassé. C'est Key One, ça. Ouais, c'est ça. Ça vient de Key One. Je vais te dire que je le ferai. Ça s'en revient. J'ai encore 2-3 jours. Mais j'avoue qu'en le mettant, nous, ça va peut-être créer un effet de... Tu sais? De va-et-vient, là. De comment ça s'appelle? Momentum. C'est le mot que je cherchais. Bon. Donc, Kiwan, entrons dans le vif du sujet. Tu nous présentes de la bonne musique canadienne, comme toujours. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est des groupes que vous connaissez pas, probablement, parce que je me suis inspiré aujourd'hui pour la chronique d'un événement qui avait lieu hier. Parce que, bon, vous savez sûrement, comme sûrement plusieurs millions de Québécois, hier soir, vous étiez sûrement arrivés devant votre téléviseur pour écouter une finale vraiment excitante qu'on attendait depuis des semaines. Moi, c'est sûr, personnellement, mon candidat préféré était éliminé depuis déjà quelques semaines, donc j'avais un peu moins d'intérêt, mais quand même, hier, j'étais au poste pour savoir qui serait enfin le champion 2011 de la Coupe Grey au football canadien. Ah oui, c'est ça, ton préféré, c'était évidemment là, les Alouettes. C'est ça, là. J'espère que vous n'avez pas confondu avec un autre événement qui avait lieu hier. Je pense qu'il y avait une autre finale sur un autre canal. On connaît, moi. Moi, j'ai les deux. Je suis fidèle aux deux. OK. Mathieu Plante avec la Coupe Grey? Ben oui. Donc, bref, oui, non, je ne parlerai pas d'occupation double. Ça va très bien. La Coupe Grey, parce qu'hier, donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'était la finale du football canadien qui mettait en vedette les deux finalistes, c'était les Lions de la Colombie-Britannique qui jouaient à Vancouver. Donc, on va les appeler pour la cause les Lions de Vancouver et les Blue Bombers de Winnipeg. Donc, je pensais à ça, ces deux villes-là. Je pensais un peu à leur scène musicale respective. Et la scène musicale de Vancouver, on la connaît quand même assez bien. Et moi, c'est vraiment une scène que j'adore et j'arrête pas de découvrir des nouveaux groupes de Vancouver depuis que je suis ici. Mais puisqu'on la connaît un peu plus, la scène de Vancouver, on peut nommer comme ça des groupes qui qui jouent assez fous et qu'on connaît. Japan Droids, Hot Hot Heat, New Pornographers, Mother Mother, You Say Party, We Say Die. Puis il y en a vraiment un paquet d'autres. Donc, j'ai décidé de me concentrer un peu, de me tourner vers la scène musicale de Winnipeg, qu'on connaît vraiment beaucoup moins. D'ailleurs, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous connaissez des groupes qui viennent de Winnipeg? Life comme ça, là, non. Non, c'est ça, moi non plus, je ne connaissais pas aucun, à part, il y en a un que vous connaissez sûrement, de Guess Who, qui vient de Winnipeg, et aussi le père de Justin Bieber habite à Winnipeg. Donc, je pense que ça peut compter, peut-être, comme dans la scène musicale. Hey, on a peut-être Bieber Fever en ce moment. Vraiment. Ouais. Je ne sais pas s'il a fait le Movember, Justin. Est-ce qu'il est capable de faire ça? À savoir si ça pousse... Donc c'est ça, je vous présente aujourd'hui trois groupes de Winnipeg que j'ai découvert en fin de semaine pour la cause de la Coupe Grey. Donc le premier groupe s'appelle Les Jupes. Donc le nom est en français parce qu'il y a quand même une assez grande communauté francophone au Manitoba et à Winnipeg aussi, malgré ce que mon oncle Serge en dit dans ses chansons, là, qui n'existe pas, mais non, il y en a quand même des francophones là-bas. Et donc le groupe s'appelle Les Jupes, mais le groupe est quand même anglophone et d'ailleurs le groupe aussi a... n'est plus présentement basé à Winnipeg. Ils ont déménagé à Montréal, donc ils sont maintenant installés à Montréal. Ils ont enregistré leur dernier album, leur premier album complet, en fait, en 2011. Début 2011, l'album s'appelle Modern Myths. Et c'est Marcus Paquin ou Marcus Paquin, pour selon l'accent. Là. Mais c'est Marcus Paquin, vous le connaissez peut-être, soit pour être le leader du groupe Silver Starling, qui est un très bon groupe qu'on a déjà joué un peu assez fou. Dans le temps que tu étais là, ça jouait beaucoup. Depuis, on disait qu'on les a oubliés, il fallait les refaire jouer. Hein? Oui, ben, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc ça avait peut-être un lien avec l'achalandage sur C'est fou de ce groupe, Silver Starling. Mais donc c'est ça, Marcus Paquin, le leader de Silver Starling. Et aussi, peut-être que vous connaissez Marcus Paquin pour être réalisateur et ingénieur qui a entre autres travaillé sur Neon Bible et The Suburb de Arcade Fire, qu'on a entendu il y a quelques minutes d'ailleurs. Ah, ben oui. Donc, quand ils sont arrivés à Montréal, ils ont rencontré Marcus Paquin, ça a marché ensemble, il a décidé de réaliser leur album, et ça a donné un très bon album qui s'appelle Modern Myths, comme je le disais, et on va entendre un peu plus tard un premier extrait, le premier extrait officiel de cet album-là, ça s'appelle Myth No. 3, The Mountain, et c'est vraiment donc une très bonne pièce. Voilà pour Les Jupes. Deuxième groupe que je vais vous faire découvrir. Là, je vais dire plein de choses sur plein de groupes. Ouais. Donc ça va être dur après quand on va les entendre de se rappeler qui est qui là. Mais sachez que Les Jupes vont finir le bloc, c'est ça? Comment? Les Jupes vont finir le bloc à la toute fin. C'est oui, ça? C'est ça, exactement. Tu vas en ordre décroissant, si on... Voilà. Donc juste avant les Jupes, on va entendre le groupe Royal Canoe, qui est aussi un groupe de Winnipeg. Et le groupe, lui, habite est encore basé là-bas. C'est un groupe, je dirais peut-être pas un super band, là, mais ils sont quand même assez nombreux dans le groupe. Ils sont environ six. Mais je trouve que au niveau des arrangements, je trouve que ça pourrait paraître plus... quand tu les vois là, sur scène, tu vas sur YouTube voir des prestations live, ils sont quand même assez nombreux sur la scène, mais ça paraît pas tant dans le son. C'est ça, des miroirs, de toute façon. Non? Ouais, c'est des miroirs sur la scène. Même pas vrai. Mais donc c'est ça, ça sonne quand même assez bien Royal Canoe. On va entendre la pièce I Can't Lie Down. C'est extrait de leur album qui date quand même lui d'un petit peu plus loin. C'est l'album Co-op Mode qui date de 2010. Et sont présentement là, en retraite fermée le groupe là, pour préparer un nouvel album qui devrait sortir en 2012. Ils sont chez les moines. Oui, probablement, parce qu'on sait qu'au Manitoba, il y en a beaucoup quand même. C'est ça. Moine, ouais. Est-ce que tu penses qu'ils sont nommés Royal Canoe avec en hommage au célèbre bar Le Canoë, hein, que t'aimes tant? Ah, ben, je me suis posé la question, d'ailleurs. Le célèbre bar Canoë duquel je suis barré depuis un certain je suis né. Jour de l'an. Comment c'est ton barré là? Quand tu fais pour être barré? Ah. raconte. Demande à Mathieu, il était là. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça. Non, alors, c'est juste parce qu'il aime pas. Je pense qu'il aime pas la différence. Les jeunes, hein, c'est ça. Tout simplement, ouais. Les vieux chromos, c'est... Donc, donc Royal Canoe va être au milieu du bloc et avant ça, donc le bloc qui va débuter tout ça. La chanson, excuse-moi. On va commencer avec le groupe de Liptonians, un autre groupe de Winnipeg qui eux disent ouvertement qu'ils viennent d'un sous-sol. Donc, c'est un peu ça leur devise. Genre, on vient d'un sous-sol parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé à faire de la musique dans leur sous-sol au centre-ville de Winnipeg et tout ça a parti là. Et leur album, eux, est quand même assez récent. Il est sorti en 2011, il y a quelques mois, j'ai pas la date exacte. Et le groupe est quand même assez jeune aussi. Le groupe existe depuis 2008 seulement. Donc, ça fait pas si longtemps là, qu'ils sont sortis du sous-sol, quand même. Et on va entendre la pièce « You Know I Did ». Et d'ailleurs, quand j'ai entendu cette pièce-là, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendue récemment. Ils ont été, dans les dernières semaines, là, je dirais, ils étaient un peu comme mis en vedette là, sur la page d'accueil du site de CBC Radio 3. Qui est d'ailleurs un très bon site pour découvrir des groupes canadiens que vous connaissez pas. Là, si vous voulez explorer un peu le Canada anglais en musique, c'est toujours une référence. Tout à fait. C'est ça. Donc, ils ont été un peu mis en lumière par CBC récemment. Donc, on va entendre cette pièce-là, You Know I Did, et c'est extrait de leur album Let's All March Back Into the Sea, qui est sorti en 2011. Voilà, donc on a les trois pièces et on te remercie, Kiwan. Oublie pas de prendre une dernière photo le jour même de ton rasage, le avant et le après. Là, hein? Oui, c'est bon, je vais faire ça. Si tu t'es attaché aussi à la moustache, là, tu peux poursuivre la pousse. C'est légal aussi, là. Ben ouais, je vais y penser quand même. Il va falloir que je consulte peut-être. Là, peut-être pouvoir passer au vote, mais je verrai. Je pense que le veto va être utilisé ici. Sinon, si tu veux, tu peux t'en faire une nouvelle. C'est comme des fois, tu te fais couper les cheveux, tu te dis, hey, crème, on pourrait faire une nouvelle tête de cheveux avec ça. Ben, fais-toi une nouvelle moustache avec tes poils. Alors, colle-les sur quelque chose d'autre. C'est une bonne idée. Ben, ouais. Donc, on écoute les trois pièces de Phil. Merci, Kiwan. À la semaine prochaine, lundi, 7h15. Ben oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, là, c'est ça, aujourd'hui, je me suis vraiment concentré sur Winnipeg. Peut-être qu'éventuellement, je vous ferai découvrir des groupes de Vancouver pour avoir l'autre partie de la médaille. Vas-y, province par province, pour le reste de ta carrière. Ben oui, on va faire ça. Donc, on commence avec The Leptonians et You Know I Did. Merci, Kiwan. Bye. Merci à vous. Bye. Covered up with the plastic wrap, tied at the top, little red boot shower cap. Elevated cane in the rain on a folded arm, sunny shades to that, the spitting car. Run into a photo album. mountain, where are your children flocking to? So young and so forgetful, do they go to the same place I do? You are not too far gone, same body, same sad songs. Pray for rain in spring, your mother's on her knees. As barren as the land, give children space to prosper, and they'll eat right from your hand. You are not too far gone, same body, same sad songs. Pray for rain in spring, your mother's Myth number 3, The Mountain par les Jupes sur leur album Modern Myths. Évidemment, hein, tout allait tellement bien dans cette belle petite chronique-là. J'avais tout dit l'ordre qu'on ferait jouer les pièces, mais il y a eu un changement de dernière seconde. Ben non, des fois, les pièces ne veulent pas jouer. Donc, on a joué la première, c'était The Leptonians avec You Know I Did. Et la dernière, avec c'est les Jupes, Myth number 3. On va aller entendre tout de suite la pièce I Can't Lie Down de Royal Canoe, celle qui devait être en plein centre de ce bloc-là. Elle va le terminer. C'est quand même merveilleux, vous en conviendrez. Hein? Ah oui, des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Donc, on l'écoute à l'instant dans la chronique Kiwan en cavale sur C'est fou dans Assemblage Requis et etc. etc. Je fais un petit monde fidibé de moi-même, mais c'est là, genre, dans la chronique Kiwan en cavale dans Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou. C'est comme il faut. Avec Mathieu Paul. Avec, j'aime ça. Ça, c'est beau, c'est beau.

Donc, on va savoir si ça va être ergonomique, tout ça, et si ça va être vraiment le cas. On verra. Voilà pour la chronique CNX. On l'a dit plutôt dans la chronique que c'était la semaine des chansons connues version chiptune. Oh! Ouh! C'est là que ça se passe. Oui, donc on écoute ça. Et puis, vous allez tous la reconnaître. Après ça, ben, on va dire c'est quoi. C'est... à CNX. On va la reconnaître très bientôt, j'en suis sûr. MGMT. Tu l'as déjà. A été fort. OK, Comptroller avec Kids, évidemment, un remix d'une pièce de MGMT dans la chronique CNX. C'est la semaine des chansons connues version chiptune et on aura d'autres groupes à vous faire entendre dans les prochaines chroniques de cette semaine, évidemment. Il y en a trois dans la semaine. Mais pour l'instant, on prend une petite pause et on vient avec Xavier et sa chronique Tais-toi et cuisine. Alors ça, c'est l'Info Campus. Ben oui! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Deuxième heure d'Assemblage Requis, on se lundi 28 novembre 2011, la dernière semaine de Movember, faut le rappeler, hein, parce qu'on a tellement hâte que ça finisse. Il y en a qui avaient plus hâte que d'autres que ça finisse, hein, parce que Xavier, je vois plus ta moustache. Ah, je suis désolé, je l'ai abandonné, c'était pour raison personnelle. Ah oui, hein. C'est pas valide, ça. Le jour où tu vas avoir le cancer à la prostate, ouais. Hein? Tu diras au cancer, excuse, pour des raisons personnelles, je peux pas t'accepter aujourd'hui. Ça m'adonne. On s'entend que moi, mon Movember a commencé en plein milieu du mois d'octobre. Ma moustache pousse depuis le milieu du mois d'octobre. C'est pas grave. C'est pas les règles. Et je l'ai rasé comme 4 jours avant la fin du mois de novembre. C'est pas grave. Traître. Traître. On s'entend que j'ai fait le Movember pour quelque chose comme 40 jours. OK, OK. Mais OK. François, est-ce qu'on s'entend sur quelque chose? Vu que t'as abandonné le Movember avant la fin, il va falloir que tu donnes 10$ aux foustaches sur le site de Movember. Hein? Je viendrai aux activités de la GEQTR pour le Movember. Bon. Les activités qui se passent à la fin de ce mois-ci et le 1er décembre, justement. Oui. Je viendrai. OK. Donc, le don de 10$? Oui. Je le ferai à ce moment-là. Et... D'accord. Ah, OK. Formidable. Hey, tu peux me le donner aussi en argent. Dans mon bureau, la porte fermée, par exemple, à Mathieu. Wow! Oh, tout seul avec toi dans un bureau, porte fermée, c'est intéressant, ça. Oui, hein? T'aimes ça? Ouais, amène 10$. Ouais, c'était toi qui disais. OK. Hein? Pour le plaisir, il faut payer avec toi, OK. Bon, lui, il se pense qu'il ramasser de l'argent dans la rue puis pas supposé garder les fesses. Hein? Ouais, non, mais ouais, c'est ça. C'est ça, je me pense. Oui, je me pense. Je suis pas gêné de le dire. Il se pense pour 25 cents. 25 cents. C'est quoi ton minimum? Ouais, 10 cents. 10 cents, je me pense aussi. OK. 5 cents aussi. Tout, en fait, ouais. Une cent, des fois, je me pense pas. Non. Tu te penches pas pour les affaires brunes. En tout cas. Wesh. Voici Tais-toi et cuisine. C'est subtil, mais t'as chanté un peu dessus. Ben oui. C'est subtil. Un peu comme des fois tes recettes, c'est subtil, mais ça a du goût quand même, tu sais. Oui, et comme aujourd'hui, ça va être très, très, très subtil, mes recettes. Oh, tellement subtil que vous les sentirez même pas. Bon, Colin, François, ça fera pas de différence d'habitude, ça. Non, mais François, il remarque jamais rien. Il est pas développé, tu sais. Mais pour François, il faut vraiment que ça goûte totalement. Wow, reste poli, toi, là. Excuse-moi, qu'est-ce que ça dit, Xavier? François, il faut vraiment que ça goûte totalement, sinon il le ressentira pas. C'est ça. Il faut que ce soit partout dans sa bouche. C'est ça. Pour qu'il le goûte. Allez, boys, hein, je suis là. Salut, ça va? Salut. Ça allait bien, ouais. Jusqu'à là, là. Donc, Xavier, bienvenue à toi dans nos studios, comme toujours. Hein, tu peux insulter François tant que tu veux. Non, j'ai pas peux te garder par mon... aussi. Je garderai une petite gêne aujourd'hui. OK. Parfait. Et je vais commencer par mon bonjour, les garçons, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Bon, parle-moi de ça. T'as l'air de bonne humeur, là. Mais je suis toujours de bonne humeur quand je débarque le lundi matin. Je l'ai dit, c'est vrai. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière aussi. J'ai de bonne humeur à chaque fois que j'arrive. Ça se peut, on t'en voudra pas si tu répètes deux fois la même chose. Oh. Surtout, c'est à une semaine d'intervalle. Oui, on a 7 jours entre deux fois qu'on se voit. Là. C'est, quand même, c'est vous avez le temps d'oublier que ça me fait toujours plaisir d'être là. Voilà. C'est vrai. Donc, François, au début de l'émission, on avait annoncé que tu aurais une nouvelle à nous annoncer, mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Non, il n'y a pas vraiment de nouvelle. C'est que la nouvelle va peut-être débarquer un peu plus tard dans le mois de décembre. Je suis encore en train de travailler sur votre bûche de Noël. Ouh! J'essaie de réfléchir quel serait le meilleur moyen pour avoir une belle bûche. Super. Bien décorée et blablabla. Il va falloir que je pense aussi à aller m'acheter la décoration de Noël pour mettre sur la bûche. Oui. Faire les petites scies, les petites haches, les petits lutins. Mais là, donne-toi pas trop non plus, là. Ben là, il faut les photos que je vais prendre soient vraiment belles pour mettre sur le site d'Assemblage Requis. Ouais. Mais tu sais, tu peux le faire juste d'un bord, puis l'autre bord, c'est pas rien. C'est comme un sapin des fois, hein, tu décores juste devant. Ben est-ce que tu vas mettre un sapin dans le studio, ça rentre pas vraiment. Hein? François, est-ce que tu veux décorer pour Noël un peu? Non? Ici? Ouais. Ben, au pire, je peux me mettre debout, jambes écartées, les bras pointés vers le haut en clignant des yeux. On aura l'impression que je suis un sapin qui clignote. Écoute. Oui. L'étoile va être située à un autre endroit que d'habitude, mais que... Ouais, elle sera un peu plus basse, l'étoile, je pense. OK. Donc, Xavier, aujourd'hui, tu nous présentes quoi dans ta chronique? T'as toujours, évidemment, un thé, quelque chose pour accompagner ça, mais j'ai entendu dire que tes thés n'étaient pas maintenant. C'est ça, ben, je vous ramènerai vos thés un peu plus tard, mais... comment ça? D'habitude, on les a là. Ouais, c'est parce que je suis arrivé devant le studio, il était comme 54. Et je dis comme, c'est pas grave. Je vais pas prendre de chance, je vais le faire après, au moins ils auront leur thé pareil. Ils devaient pas savoir qu'il y aurait comme 10 minutes de CNX d'ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Avoir su. Ouais. Avoir su. Donc, j'introduirai tout de même les thés que vous allez boire un peu plus tard. François, sachant que tu es un accro au chocolat chaud, je vais te faire préparer un chocolat chaud, dans le fond, un thé latté. C'est ça. Donc, ça va être la douceur de Noël, qui est notre thé puère de la collection des fêtes. Donc, c'est un thé au chocolat et à l'orange. Ouh. Ah, ça sent très bon. C'est comme les pichets d'orange que tu peux casser sur le bord. Tu sais, les ouais, oranges, les ouais. Ça goûte ça? Ben oui, ça goûte ça. Wow. Puis, sauf que là, tu n'as pas l'inconvénient d'avoir les petits morceaux de chocolat ou d'orange coincés dans les dents. C'est ça. Ça, ouais. Si tu manges le thé, donc là, tu as aussi des feuilles de thé coincées entre les dents, mais c'est pas spécialement à conseiller. Ouais. Et puis toi, Mathieu, tu auras notre récurrent de tous les ans, c'est-à-dire le secret du Père Noël. Thé noir avec canne de bonbons, avec un petit peu de menthe poivrée à l'intérieur aussi. C'est clair que ça me gagne ça à tout coup, là, s'il y a des cannes de bonbons là-dedans. Oh, ça, c'est vraiment très agréable, avec une sensation mentholée, sucrée, et avec vraiment des cannes de bonbons à l'intérieur. Ils sont en forme de canne. Et oui. Ça, c'est impressionnant, ça répète juste des petites crottes de canne, non? C'est vraiment des... C'est vraiment des mini-cannes de bonbons qu'on a à l'intérieur. Super. Comme le thé lisé sur mes lèvres, où tu as des bonbons en forme de lèvres à l'intérieur. Ou l'été dernier, l'été 2010, où on avait un thé qui s'appelait Eau de marécage. Enfin, un rooibos, en fin de compte. Le nom est de marécage. Oui. Ça n'a pas l'air appétissant, ça. Et justement, même moi, je fais comme eux, j'ai vraiment peur. Je l'ai goûté. Ça goûtait vraiment. C'était avec fruit de la passion, goyave à l'intérieur. C'était quoi, des petites grenouilles, des petites quenouilles? C'était quoi? En fin de compte, les bonbons à l'intérieur, c'était des bonbons en forme de chat. De chat? De chat. Ah, des chats de gouttière, si on veut. C'est ça. Cool. Donc, c'est ça. J'aurais aimé celui-là s'il y a des chats dedans. Oh. Oh. Mais on aurait pu. Tu aurais eu la possibilité de voter pour justement notre très cher Eau de marécage sur le site internet, mais c'est ça. La période de vote est terminée. Pour le ramener, ça quoi? Oui, exactement. Ah, ça reviendra pas. Hein. Non, il reviendra pas. Mais c'est, les gens regardent le nom et voteront jamais pour ça. Là, Eau de marécage. Nommez-le autrement, tu sais, nommez-le petit chat dans du thé, puis là c'est sûr qu'ils vont le prendre. Oui, c'est vrai que ça fait un peu plus mignon, on a envie de le caresser, c'était là, mais non. Mais justement, pourquoi il s'appelait Eau de marécage? C'était justement parce qu'il avait une couleur vraiment verte. Non, mais justement, en plus, il est vert. Il n'y a rien pour lui, c'était là. Hein? Mais il est super bon. Ben, j'imagine. En tout cas. Mais bon, aujourd'hui, dans la chronique, je vais parler essentiellement des ensembles de dégustation qu'on peut trouver en magasin. Donc, si je comprends bien, on commence notre genre de guide cadeau magasinage chez toi et cuisine, Xavier Full avec un petit chou. Là. Exactement. C'est ça le nom de la chronique, d'ailleurs, mais c'est un peu... Ouais. Ben, parce que moi, j'ai pas la moustache, déjà. Tu devrais prendre un petit chou à la place de la moustache. Ouais, je vais fouetter de la crème avec du thé à l'intérieur, puis je vais me mettre une moustache blanche. On va appeler ça une comment, François, qu'on va appeler ça? Si tu déduis par mes jeux de mots poche, hein? On va appeler ça une choustache. Une choustache. Une choustache. Ok, je vais débarquer avec une choustache la semaine prochaine. D'accord. Si j'y pense. Eh non, on sera plus au mois de novembre. Non, non. Hey, enfin. Mais c'est pas grave, tu peux quand même soutenir la cause. Okay. Ouais, okay. Vu que t'as raté 4 jours, faut que tu t'affasses pousser pendant 4 jours du mois de décembre. 4 mois. Je comprends, 4 mois du mois de décembre. 4 mois du mois de décembre, ok. C'est ça. Ça va être long. Mais bon, on aime ça, ce qui est long. Ah, non. Trop loin. Non, on parle bien sûr des sous-marins qui sont très longs et que okay. Ça nous cale le ventre. Quoi? Hein? De quoi? Quoi? J'ai entendu un légume. Hein? Quoi? Donc, tu disais? Ensemble cadeau, ensemble oui. De dégustation de thé. Donc, quand vous pointez en magasin, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix au niveau des ensembles de dégustation. On a entre autres... La boîte de la collection des fêtes avec Secret du Père Noël, Douceur de Noël et bien sûr Joyeux Lutin qui va être ma base de travail pour votre bûche de Noël. Oh. Mais on a aussi. Tu le sens ça? Ben oui. Ouais. Mais je l'avais ramené aussi dans la chronique Thé vert, ma mémoire est bonne. Ok, ah, ça se peut. On dirait que. Mais si, je t'avais dit avec la papaye, la canneberge à l'intérieur et tout. Tu m'avais dit, c'est impossible qu'il y ait autant de choses bon, là-dedans et que ce soit aussi bon. Ça sent bon, le gars. Non, Mathieu, lequel? Non, gauche, droite? Okay. Là, ici? Okay. Il est-tu fatiguant, ça va? Attends. Ça fait du bien le matin, de même. Oh! Il fait de l'échapper. Il va pas faire des dégâts, là. T'as fait de l'échapper, là. Ok. Pour une fois, c'est pas une poche. Là, ça, il met des crottes de nez, là. Regardez. Sa moustache. Sa moustache. Il y a déjà des crottes jaunes dedans, là. Mais bon. Non, c'est pas moi. D'orange. Ah, d'accord. Puis il sent bon, hein? Ouais, ça sent très très bon. C'est un de ceux que je trouve qui sent le plus bon jusqu'à maintenant. À part, ça c'est dans ton ensemble cadeau que exactement, j'ai senti. Exactement, c'est vrai. Parce que tantôt, quand j'ai senti, je sentais les trois mélangés ensemble et étrangement, ça avait l'air bon quand même, les trois mélangés ensemble. Je n'ai pas ouvert. Comment ça, les trois mélangés ensemble? Mais ça sent. Ah, la boîte, c'est ça, genre. Ouais, c'est ça. On s'entend que la boîte est super belle aussi. C'est une boîte rouge avec tout ce qui était écrit en doré. Et il y a un aimant pour fermer la boîte. Exactement, c'est vraiment une boîte. On pourrait quasiment la confondre avec une boîte de bijoux. Oui. Mais ça, est-ce qu'on peut mettre d'autres sortes de thé? Ou non, c'est vrai. C'est vraiment une boîte déjà faite qu'on peut prendre directement sur les étagères. Si moindrement, on ne sait pas quoi prendre. Okay. Ça, c'est vraiment une boîte parfaite à offrir. Ouais. En plus, elle n'est pas si dispendieuse que ça, cette boîte de dégustation-là. Donc, pour vous donner le prix, avant taxe, bien sûr, c'est 16,50. Et puis ça, là, un échange de cadeaux, nous, c'est, ça passe merveilleusement bien. Ça se fait très bien. Quand on sait pas trop, là, en fait, ça peut être une très bonne idée. C'est ça, surtout que dans le fond, cette boîte-là, dans le fond, les boîtes avec trois sortes de thé à l'intérieur. Chaque échantillon, on peut faire quasiment 4 ou 5 tasses de thé. Donc c'est vraiment parfait pour découvrir sans en avoir trop et en gâcher. J'ai l'impression d'être en plein interrogatoire. François, il allume la lumière dans la face de Xavier comme si... Je vois la lumière. Mais non, et c'est pas un interrogatoire, c'est qu'il veut te mettre sur le spotlight. Oh, j'aime ça, les spotlights. Spotlight shining on me. Shining on. OK, veux-tu chanter du karaoké sur nos ondes? Hey, non, l'émission de karaoké d'une demi-heure, non? Karaoké la semaine prochaine. Karaoké, ça va être demain soir pour moi. OK. Jamais sur nos ondes. Et on s'entend que même la musique de mon jingle d'introduction, Shut Up and Let Me Go, je l'ai fait au karaoké aussi. Parce qu'il n'y a pas de parole dessus, c'est une chanson de karaoké, ce qu'il joue là derrière. Les gens qui la connaissent sont sûrement en train de la chanter et de ne pas t'écouter, ça, c'est une mauvaise chose d'avoir choisi une pièce de karaoké. Ça, c'est une tune de karaoké. C'est du Ting Tings. Oui, j'adore les Ting Tings. C'est bon, Ting Tings. Et donc je continue à parler un petit peu des ensembles de dégustation. Oui. On a aussi un deuxième ensemble de dégustation qui est vraiment sorti à cette période-ci, en même temps que la collection des fêtes, qui s'appelle la collection des vins. Oui, t'en parlais un petit peu la semaine passée. Ouais, c'est quelque chose que tu te dis, ça se peut pas, tu sais. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est vraiment pour rappeler vraiment toutes les boissons alcoolisées qu'on pourrait prendre à la période des fêtes. L'an dernier, on avait champagne, Marsala et Cabernet Sauvignon. Cette année, on a Belle Bulle, apéritif et le dernier que je me rappelle jamais, le dernier verre. Donc, si je comprends bien, si on compare à l'année passée, c'est que l'année passée, c'était des noms de marques de vins, de vrais, comment t'appelles ça, des vignobles. Là, c'est le vrai cépage. Je pourrais pas dire. Champagne, c'est vraiment une appellation. Mais je dirais que pour Cabernet Sauvignon, Marsala, je pourrais pas le dire. Mais on dirait que cette année, ils ont comme pris plus des noms génériques, genre des bulles. Exactement. Ils sont moins forcés. Ouais, on dirait. Là. Dans les noms, peut-être que c'était par copyright, il n'y a pas le droit. Là. Probablement. On sait pas. Ça, j'en sais pas. Ça se passe au siège social, donc je pourrais pas le dire officiellement. Mais je vous dirais que Belle Bulle, c'est vraiment une belle, je vous dirais, adaptation. Conversion ou quelque chose du genre. Traduction. Non, pas traduction, non. Mais vraiment pour reprendre un peu le concept de champagne qu'il y avait l'an dernier. Ah oui. Parce que dans le fond, ça reconstitue quand même assez bien le goût d'un champagne. On a apéritif qui est quand même très bon. Et on a aussi dernier verre qui, selon certaines sources, est un petit drink de feuille. Ah oui, genre un sex on the beach. Genre vraiment les trucs vraiment très sucrés, fruités. Ah, genre bon. Porn star, blablabla. Là. Ah, t'en connais plus qu'un mois là-dessus. Là. Mais c'est tellement bon les porn stars avec du sour pouce et du curaçao du 7-Up. Ah oui? Ouais. C'est bon, ça c'est très. Ouais. Bon, les enfants, buvez avec. 8h15. Bon, on va dire de boire vraiment avec beaucoup de prudence. On s'entend que le temps des fêtes s'en vient. On pensait aussi à ne pas prendre la route avec de l'alcool dans le sang. Et on ne texte pas non plus. On ne texte pas. C'est pas bien de texter au volant. Vraiment pas bien. On parle d'alcool maintenant, voilà. Voilà. On parle pas d'alcool. Non, on parle pas d'alcool. Ni de texte. Non, mais voilà. C'est ça, pour les personnes qui sont justement assez amateurs de tout ce qui est alcool, vin, et etc. La collection, justement, la collection des vins est une super boîte aussi à offrir. Contrairement à la boîte collection des fêtes, la boîte est dorée. Donc c'est vraiment une boîte de la même forme, même design. Sauf écrit rouge dessus. Exactement, c'est juste le contraire. Ouais. Sinon, en boîte de dégustation, on a les boîtes de dégustation qui sont là à l'année, juste qui sont refaites au niveau des designs, mais le contenu reste sensiblement le même. Okay. On a la boîte du connaisseur, on a la boîte autour du monde, on a la boîte gourmandise. C'est vraiment trois boîtes avec 12 échantillons à l'intérieur pour chacune. Environ. Exactement. Ooh. Donc la boîte est à 26,50€. Avec justement tout ciblé selon certains thèmes. Le connaisseur, c'est seulement des thés traditionnels sans arôme. Donc on va passer dans les thés blancs, thé vert, noir, puer, houlang. Ceux qu'on aimerait peut-être moins, nous deux, parce qu'on n'aime pas tant les jeux que ceux qui ont moins de saveur. C'est ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment. Qui aiment vraiment genre le thé salada, qui n'aiment pas les thés aromatisés. C'est ça, d'accord. Pour les personnes qui voudraient aller un peu plus vers l'aromatisé sans en avoir trop. On a la boîte autour du monde, ou justement faire le contraire, passer désaromatisé au thé traditionnel sans arôme. Autour du monde, ça va être plus axé vers les, je vous dirais, les grands classiques, comme des Earl Grey, des thés à la menthe, ou des choses à la cannelle, légèrement épicées. Et finalement, la boîte avec le plus de saveurs, gourmandise. Le nom l'indique bien, c'est vraiment pour remplacer ou accompagner un dessert, avec beaucoup de chocolat, du caramel, des fruits en beaucoup plus intensif au niveau du goût. Donc, c'est vraiment les trois gros ensembles de dégustations qu'on pourrait avoir. pour les personnes qui commenceraient dans l'univers du thé. On aurait aussi la boîte, la trousse du débutant. Ah. La trousse du débutant qui porte aussi le nom de notre grand patron, David. David. Chose David, Dave. Là. Et oui. Donc, c'est vraiment la boîte du débutant avec 5 échantillons de thé à l'intérieur, des 25 grammes de chaque dans des sachets identifiés. Vous avez aussi une cuillère parfaite pour les mesures. Donc, c'est vraiment la cuillère qui fait une cuillère et demie excellent à thé. Ah ouais, pour vrai. C'est ça, parce que la grande majorité de nos thés demandent une cuillère et demie en dose. Donc, on a créé cette cuillère parfaite-là. Pour c'est en métal, une... ça c'est exactement. Parfait. Okay. Oui, parfait, comme la cuillère parfaite. Ah oui. Voilà. Donc, petite photo ici de la boîte du kit du débutant. Donc avant on avait vraiment parmi les meilleurs vendeurs, mais ça a été réadapté suite aux petits tests qui ont été faits sur internet. Donc cette année dans la trousse du débutant, on a le breakfast de David, un thé noir traditionnel sans arôme, explosion chocolatée. Rappelez-vous du brownie que je vous avais fait. Oui. Ouais. Menthe nord-africaine, thé vert avec menthe poivrée, clou de girofle, cardamome, fenouil. Donc vraiment inspiration Maroc, Tunisie, Algérie genre. Vert et fruité, rooibos, santéine sans caféine, pomme, papa et pêche et mangue, et noix magiques. Je vous avais préparé un beurre avec la semaine dernière, avec le mélange de betterave, de pomme et de noix, et de cannelle bien sûr, on aime ça la cannelle. Donc cette boîte là pour 29,50€. Donc en sachant que normalement les boîtes de dégustation de 5 thés sont autour de 25, 26,50€. Là vous avez en plus une boîte de 20 filtres et la cuillère à 29,50€. Ça vaut vraiment la peine. Et les filtres sont vraiment pratiques pour vrai. Pour exactement. Les avoir essayé, j'aime beaucoup leurs petits filtres. C'est ça. Donc pour les personnes juste qui veulent apporter de quoi, on peut juste préparer un filtre, faire un petit nœud avec et puis arriver genre sur le lieu de travail, préparer de l'eau chaude et puis mettre la poche directement dans l'eau chaude. Moi qui m'étais promis de ne pas parler de poche, raté. Mais c'est ça. Faut pas, comment ça se dit, faut pas empêcher, il y a une expression pour ça. Ouais. Chasse le naturel, il revient au galop. Oui, chasser le naturiste, il revient au bagalo. Sinon, on a... Wow. Pour rester encore dans les boîtes de dégustation, on a la boîte de la collection d'hiver. Donc, je sais pas si vous en avez parlé, mais il y a aussi une très bonne idée de chocolat chaud à l'intérieur. Chai au chili chocolaté. Ah, c'est des bons, ça. Hein? Oui, il est très bon avec justement thé noir, chocolat et double chili. On n'oublie pas aussi qu'il y a un petit peu de maïs à l'intérieur, du maïs grillé. Ah, donc, on n'oublie pas pour les personnes qui seraient un petit peu... intolérant à tout ce qui est gluten ou chose, ça pourrait être un petit peu dangereux. Ça pourrait vous faire des gaz, sinon. Genre. Je connais pas tous les effets que je sais plus comment Mathieu ça s'appelle. Mathieu pourrait t'en parler un peu. Non. Ah, ça fait. Je parle du maïs. Parce que du maïs, ça fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait quoi? Possible. J'en sais rien. Vas-y. Ça fait péter. Ouais. T'allais nous en parler? Okay. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on passe au prochain sujet. Je suis pas médecin. Je pourrais pas dire que le thé va guérir tout ce qui vient. Je suis pas le docteur Béliveau. Non, c'est ça. T'es pas médecin, mais t'en joues à la radio. Oui, non. Mais non, je suis pas habillé avec un sarreau et puis une toque sur la tête. Tu pourrais faire semblant que oui, personne ne saurait. Mais oui, mais je veux pas que si quelqu'un se pointe au studio un jour et puis me voit sans mon sarreau, blablabla. Ah, t'es pas médecin. Ça me tente pas. Bon. Voilà. Donc, pour continuer avec la collection d'hiver, on a aussi, bien sûr, à l'intérieur. Punch alpin avec lequel on avait préparé les galettes de gruau, si vous vous rappelez bien, avec Maxime. On a aussi notre délice des pentes. On a aussi notre traîne sauvage et notre après-ski. Donc c'est vraiment après-ski. Mm-hmm. C'est vraiment une petite collection super sympa, vraiment que vous pourriez ramener si moment vous faites des petites sorties l'hiver, balade en traîneau, chose du genre. Vous ramenez ça et puis vous buvez ça, c'est comme un petit réconfort. C'est comme oh mon dieu, il fait froid, oh mon dieu, il fait chaud tout d'un coup. Il fait chaud dans ma gorge. Oh, c'est ça. On aime ça, boire des liquides chauds. Surtout quand on a froid. Oui, tout à fait. Sans aucune arrière-pensée ici. Et on a aussi des petites choses qui peuvent être très sympas. Pour sûrement, si vous n'avez pas trop d'idées pour décorer vos sapins, que vous voulez avoir des choses spéciales, vous pouvez aussi avoir des boules de Noël avec du thé à l'intérieur. Ah! C'est vraiment une grosse nouveauté cette année. Ouais. C'est très beau. Exactement. C'est très beau, belles boules. Ouais, c'est ça. Oui, on aime ça accrocher des boules. Ouais, on aime ça palper des boules, surtout les boules qui sont pleines, avec des petites surprises à l'intérieur. Donc, les trois boules qu'on a cette année, les trois boules qu'on a maintenant, on a une boule dorée, une boule rouge et une boule bleue. Donc, il faut savoir qu'il y a des thés à l'intérieur. Donc, c'est vraiment du thé pour environ 2 ou 3 portions maximum. Disponible dans la saveur de la collection des fêtes. Donc, Joyeux Lutin, Douceur de Noël et Le Secret du Père Noël. Et il faut savoir que la boîte est disponible vraiment avec un échantillon de chaque, une couleur de chaque, mais aussi les boules vendues individuellement. Et tu peux changer, tu peux choisir la saveur qui va dans quelle boule, de quelle couleur. Exactement, parce que dans le fond, vous avez vraiment comme la sorte, par exemple, Joyeux Lutin. Et si moindrement, il y en a en magasin, vous pouvez demander peut-être avoir une justement Joyeux Lutin dans telle couleur de boule. C'est vraiment génial. Donc la boule toute seule est vendue à 4,50€ et le coffret complet avec la boule toute seule, ouais, en fin de compte, est à 4,50€. La boîte complète est à 12. J'avais déjà dit le prix de la boule toute seule. Donc voilà, 12$ pour la boîte de 3 ou 4,50€ pour la boule toute seule. On aime ça décoré avec un petit peu de thé à l'intérieur. Oui, ouais, ouais. Bonne... Tu pourrais offrir aussi un bijou avec du thé sûrement. T'sais? Non? Sûrement pas. Hein. Ça pourrait être une bonne idée, tu sais, genre, t'achètes un collier avec une... Il y aurait du thé ça, dedans. Un petit médaillon avec... Oh, trempe-toi le collier dans... Le... Ouais. Ah, non. Non? Je me vois mal comme rester penché au-dessus d'un verre d'eau chaude. Fouille-moi. OK. OK. Mais en autre petite boîte de dégustation aussi, on a l'Aficionado qui avait été sorti à l'époque de la fête des pères. Hein, on dirait des c'est cigares. C'est hot, ça, ouais. Exactement, c'est vraiment une boîte à cigares, ouais, avec des tubes de métal à l'intérieur. Est-ce avec... que c'est des thés cubains? Ça pourrait avoir non. du sens? Non. Mais à l'intérieur, justement, pourquoi on avait fait une boîte à cigares? C'est parce que ça avait été sorti à la période de la fête des pères et qu'un thé s'appelle blanc au whisky. Ouh! Donc à l'intérieur, c'est vraiment 5 échantillons dans des tubes. On a le Earl Grey, on a le Assam de Banaspati, on a Rum Over, on a justement notre blanc au whisky et noix grillée, qui est mon thé préféré de la compagnie, je le rappelle toujours. Avec son mélange de thé vert, noix de coco, amande, noix de Grenoble. On a le blanc whisky qui est en fin de compte un thé blanc avec des morceaux de pêche et des arômes de whisky. Assam de Banaspati, noir traditionnel. Le Earl Grey qui est un grand classique avec ses essences de bergamote, ses centaurés bleuets. Et Rum Over avec sa noix de coco et sa vanille. Mais eux autres non plus, on ne peut pas les choisir. Non, vous les choisissez pas, c'est vraiment la boîte comme ça. Okay, parfait. Mais c'est vrai que quand vous venez en magasin, il est toujours possible d'acheter des sachets ou des boîtes, dépendamment des formats que vous voulez prendre, vraiment avec les sortes de thé. Vous pouvez former vraiment votre propre petite collection si vous voulez. Vraiment, surtout qu'on fait les emballages cadeaux, sac bleu turquoise, papier de soie à volonté à l'intérieur. Okay. Donc vous pouvez vraiment faire ce cadeau-là. Ok. Mais pour les systèmes vraiment spécifiques, comme mettons les cigares, ces trucs-là, donc là, c'est vraiment, faut attendre peut-être des avoir vidés. J'imagine qu'on peut les ramener ou vous pouvez les remplir. Exactement. Okay. Mais malheureusement, dans le fond, pour les remplissages en magasin, on peut le faire avec n'importe quelle quantité. Mais quand vous revenez avec vos contenants, vous avez droit à des 50 sous de rabais. Mais c'est vous avez droit à 50 sous de rabais. Okay, mais c'est bon, seulement à partir de 50 grammes de thé que vous mettez à l'intérieur. Okay. Donc pour la grande majorité qui va coûter 6,50, 7$, vous allez payer comme 50 sous de moins quand vous revenez avec votre contenant pour en remettre à l'intérieur. Excellente idée. Vu qu'on parle de cigares, on pourrait faire des thématiques avec d'autres choses. Comme mettons, tu pourrais avoir des affaires pour les geeks. Mettons, tu pourrais avoir du thé dans des genres de simili canne de Pringles. Puis mettons avoir du thé à saveur de Mountain Dew, t'sais. Ou de Cheetos, pour jouer à des jeux vidéo. Du thé à saveur de Mountain ouais. Dew. Pour les geeks, mettons, t'sais, les geeks qui sont dans la division. Pas vraiment sûr. Non? OK. Non, mais non, tantôt, tu parlais de cigares. Oui, cigares. Fumé. Tu sais, des fois, au football, on fait des cigares. C'est, cigares oui, ou des cigares sports, au chou Nicolas aussi. Nicolas Charme sport, OK, ouais, je comprends pour Nicolas. OK, mais tu sais que moi et le sport, c'est pas vraiment une grande amitié. Ben, t'en fais... Oui! T'as fait, arrête! Ouais, c'est des patriotes, ça? Ouais, oui. Cheerleader? Oui, je suis cheerleader. Yeah! On s'entend l'année que... prochaine, étudier? Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, c'est ça. Oui. J'essaie de te faire sortir les verres du nez. Il est sûr à tout brûler. On verra bien. Mais c'est vrai que les patriotes, je les ai au plus profond de mon cœur. De mon cœur, je précise, François, de mon cœur. Non, mais je pensais vraiment que tu allais dire autre chose. Puis non, en même temps, j'étais là, il a dû se passer quelque chose. Ouais. Non, les Patriotes, c'est vraiment, je me suis vraiment énormément attaché à eux. J'ai vraiment du mal à les quitter et ça me fait vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir être dans les compétitions avec eux cette année. Mais c'est vrai que je suis énormément l'équipe de cheerleading des Patriotes. Mais t'es-tu en compétition aussi? Je suis pas en compétition. Non, mais tu les suis. Je les suis. Bon. Du verbe suivre. Oui, et non pas tu les suis. Non, je n'essuie pas les Patriotes. Bon, ça va faire. Dernier petite idée pour les personnes qui sont fans de thé vert. On a ce qu'on appelle l'ensemble Washi. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont fans de thé traditionnel. C'est encore un nom pas très vendeur. Ouais, non, ça, c'est... Washi, ça fait un peu comme wasabi. Ça fait l'essuie, tu sais. Dans le fond, l'ensemble Washi, c'est vraiment une petite... dans le fond, c'est une boîte blanche et grise, vraiment très sobre, soft, avec à l'intérieur deux sortes de thé traditionnel japonais de eau crue. Donc, De eau crue. C'est vraiment... Tu veux dire? C'est vraiment parmi le must du thé vert. C'est vraiment l'été... C'est quand même cher, j'imagine. Exactement. Donc, je vous dirais, on a Sensha Ashikubo à l'intérieur, Gyokuro Yamashiro qui sont dans la boîte. Vous avez 50 grammes de chaque thé, en sachant que Sensha Ashikubo est à 37,50 pour le 100 grammes. Donc là, pour la moitié, ça vous ferait quelque chose comme 17,75 environ. Pour Gyokuro Yamashiro, c'est $44 le 100 grammes, donc $22 pour le 50 grammes. Donc 22 et 17,50, ça vous reviendrait quelque chose comme un petit peu moins que $50. Mais ça vient aussi avec deux boîtes en métal, double couvercle en fin de compte. Donc pour garder encore plus longtemps la fraîcheur du thé, c'est vraiment une boîte parfaite à offrir à des amateurs de thé vert japonais. Surtout que les boîtes, quand on les regarde, on a vraiment l'impression de se croire au Japon en train de regarder des sublimes petites choses sur les étagères japonaises. Oui. On a juste envie d'aller en magasin pour l'acheter en portant un kimono. C'est bon. Oui. Bon, oui. Peut-être pas maquillé que telle une geisha et blablabla et sabots de bambou. Là. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire ça, juste pour aller acheter, c'est comme vous voulez. C'est à l'Halloween. C'est ça, ça va juste être. Ça va juste mettre du baume au cœur de l'équipe qui sera là en plein rush de Noël. Oui, j'ai bien dit des Naël et pas des Noël. Naël. Parce que Naël vit dans nos cœurs. Ah, d'accord. Il pleut des bonbons. Il pleut des bonbons. On aime ça, la magie des Naël. Oui. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, c'était le guide de Xavier pour gâter. Pour gâter. Non, ça, gâter. Tu trouves ça, c'est un beau nom pour ta chronique, oui. Ça? Oui. Le guide de Xavier pour gâter. Gâter vos proches. Oui. À la semaine prochaine, lundi, 8h. Oui, et la semaine prochaine, on va parler plus des accessoires dans le fond. Comme tasse, théière, blablabla. OK. Formidable. Bonne idée. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. On prend une petite pause et on vient avec Nicolas Ducharme et sa chronique sport. Yeah! On va parler de la Coupe Grey. Il doit être pas loin d'entrer. Moi, je peux ouvrir la porte même. C'est-tu barré? Nick. On va faire des petits... Fais-nous signe. Comme un bruit de sauvage comme il aime faire. Là. On voit même pas d'ombre en arrière. C'est presque épeurant. Il est là. Bon. Pénètre, Nicolas, pénètre. Oh. Non, mais quand même loin, il préparait ses trucs. Là. OK. Ben, tu vas pénétrer plus tard. Tu lui diras de pénétrer à ta guise, t'en fais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Et là, puis il rit de mon talent d'acteur. Moi, il me traite de Gilles Latulippe. C'est chien, ça. C'est chien. C'est du burlesque. Bon. Du burlesque, les pubs. C'est normal que je sois pas bon. C'est voulu. Okay. C'est la chronique sport avec Nicolas Ducharme. Hey, bon matin, messieurs. Bon matin, bon Nicolas matin. Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah, toujours. Voyons, les gars, vous le savez. Hey, messieurs. Ça a l'air sincère à mort. Mais bon. Ah, non, fait sombre. Fait... Ben oui, il y a des journées comme ça. Il mouillait matin. Est-ce qu'il mouille encore? C'est Mossad. Mossad, exactement. C'est automnal. C'est le terme exact. Mossad, je crois que... Ben, j'ai hâte qu'il neige. Ah ouais, tant qu'à... À partir du moment où il va neiger, je pense que ça va aller mieux, là. Non. Ben oui. Non. Oui. Non. Ben, t'es pas, les gars, voyons. UFC. Hein. UFC. Sortez à la cage. Sortez les gros muscles, on se pompe, on se joue ce matin. Les pipes. Hey, les boys, on va parler de sport. Je commence ça tout de suite avec les cataractes. Grosse fin de semaine pour les cataractes. Écoutez, deux victoires. Ça va quand même bien. Bravo. Ben, c'est correct. Très honnêtement, la celle de vendredi, là, c'était pas parfait du côté du Saguenay. On se pognait contre les Saguenayens. Et là, vraiment, une victoire de 3-2, mais on est loin d'avoir dominé. Les Saguenayens, c'est pas une puissance nécessairement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et même là, Éric Veilleux a fait une sortie en règle contre ses joueurs après ce match-là. Mais tout de même, on l'a emporté en tir de fusillade. Zlobin et Bonnival, les marqueurs. Alors que Gabriel Girard a cédé qu'une seule fois contre l'excellent Guillaume Asselin. Le lendemain, par contre, contre l'Océanique de Rimouski, là, on s'en est donné à cœur joie. Une victoire de 6-3 des Cats contre l'Océanique. Des buts, entre autres, là, de Veilleux deux fois et de Veilleux deux fois, Sakaris et Peter Trainer du côté de Rimouski, mais le sieur Morin. Et la victoire est allée du côté de Girard. Girard qui semble avoir trouvé son filet, là, après l'avoir quelque peu perdu, ben il s'était blessé, donc on avait donné la tête à Dubo. Moi, je me demande toujours du côté de Girard ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est en train de le montrer pour le temps des fêtes? Une équipe qui serait intéressée à un gardien de 20 ans. La chose qui se passe du côté de l'Aigle d'Hockey Junior Major, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marché présentement pour un gardien de 20 ans. Donc, est-ce qu'une équipe va être intéressée? Je pense qu'on n'aura pas une très grosse monnaie d'échange alentour. Pour ça, je crois pas que ça va pouvoir aller chercher une pièce manquante pour le casse-tête de la Coupe Memorial et la Coupe du Président par le fait même. Et après le match, les entraîneurs Éric Veilleux et Serge Beausoleil se sont joyeusement renvoyés la balle. On s'est un peu niaisé là. Du côté de Lala. Lala. On jouait à Chicoutimi pendant la fin de semaine. Hein? Du côté de Veilleux, du côté de Beausoleil, on a accusé les joueurs des cataractes d'avoir plongé. Écoutez, je vous lis la citation. C'était totalement ridicule comme pénalité, un jeu d'Oscar de la part de Zlobin, c'est-à-dire la chute. Et bon, on dirait après ça, 15 secondes plus tard, il était ressuscité puis il jouait sur l'avantage numérique. Donc, on s'en est pris un peu au jeu. C'est pas la première fois cette année que les cataractes se font accuser d'être un peu soft, un peu du genre à plonger, un peu mou. Et Éric Veilleux, sans attendre, il n'a pas hésité à répliquer. Écoutez, je vous lis ça. Je n'ai pas vu mes joueurs plonger pour ce qui est de la robustesse. Les Veilleux, Arsenault, Racine, Gagnon et Donnelly et compagnie sont capables de faire le travail. Et il l'a rajouté par la suite. D'après ce parce que Beausoleil a dirigé longtemps dans la Ligue nord-américaine de hockey. Là, Veilleux dit... Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs de l'Océanique qui étaient prêts à se battre ce soir. Ils ont d'ailleurs refusé plusieurs invitations. Je pense que le hockey a beaucoup changé depuis 6 ou 7 ans et Serge Beausoleil a peut-être oublié qu'il a changé de ligue. Donc, une cote dans la face de M. Beausoleil. Il rajoute après ça. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'était pas le plus brave. Nous sommes en train d'apprendre à le connaître. Patrick Roy formule souvent des critiques. On peut les prendre ou ne pas les accepter, mais il a quand même gagné plusieurs fois la Coupe cette année. Beausoleil, lui, je le connais pas, ce gars-là. Tu as déjà joué au hockey. Donc, la rivalité, ça ne sera pas fini entre Rimouski et les Cataractes. De toute façon, si je ne me trompe pas, on va se revoir cette année. Là. Donc, vraiment, ben c'est bon. Ça vend des billets. Vend des tickets. Caron et Guy, maintenant, on dispute deux matchs cette fin de semaine. C'était contre le Wild de Windsor. C'était le 25, donc vendredi soir. Une victoire de 4-2 de la part du Caron et Guy. Et le lendemain, samedi après-midi, samedi soir. Donc, on l'avait pas facile parce que du côté du Caron et Guy, on affrontait trois adversaires en même temps. Deux adversaires en même temps, plutôt. L'isothermique et Sidney Crosby. Parce que, qui est à Montréal. Ben, qui était à Montréal. Donc, ça, normalement, on se dit, ça aidera pas pour les foules. J'ai parlé avec avec Sylvain Robert, qui est le directeur des opérations là, du côté du Caron et Guy, qui nous dit, écoute, s'il y a 500 personnes, on va être heureux. Demain, il y en a 749, fait que c'était un bon succès. Avec ce match-là, le Caron et Guy, là, qui se retrouve en milieu de classement toujours, surtout que la page ouvre, là, dans le fond, hein? Classement. Et voilà, Marquis du Saguenay et Cool FM Saint-Georges, toujours premier avec 21 points. Wild de Windsor, deuxième avec 17 points. Et le Caron et Guy, troisième, 16 points, égalité avec Rivière-du-Loup. Par contre, on a un match à main du côté du Caron et Guy. On tente toujours de finir premier, là, du côté de la troupe de Carl Fleury, parce que si on termine premier à la période des fêtes, on a automatiquement un bail, ou du moins, on accède automatiquement aux séries. C'est un calendrier en deux étapes, donc on veut continuer à pousser là, du côté du Caron et Guy. C'est pas facile, par contre. Beaucoup de parité du côté de la Ligue nord-américaine de hockey. Et UQTR, les Pats étaient en action cette fin de semaine. Deux matchs, vendredi soir contre RMC, contre les militaires. Une victoire de 5-2. Et le lendemain, une victoire qui va à l'affiche de Vincent Lamontagne. 5-2, c'est correct contre RMC, mais on a vu mieux. Et le lendemain, écoutez, On s'attendait à un bon défi contre Queens. Pouah, pouah, pouah, pouah. Victoire de 10 à 1 des Patriots. 45 tirs dans cette victoire. Notez là, les performances de Pierre-Alexandre Jonka. 2 buts, 2 passes. Félix Petit, même affaire. Et Jean-Sébastien Breton, 3 points, tout comme Alexandre Demers. Donc, on s'en est donné à cœur joie là, du côté des Patriots. Belle victoire. Parce que là, ce qui s'en vient du côté des Pats, il reste une semaine. On est en Ontario la semaine prochaine. On affronte Nipissing et on affronte Carlton. On parle de deux des meilleures équipes de la Ligue, du moins de la Division Ouest. Nipissing sont en quatrième position dans la Division Ouest. Carlton en cinquième, mais c'est très serré. Là. Il y a un point qui les sépare de chacun et de Ottawa qui est en troisième position. UQTR est toujours en deuxième position dans ce classement à 2 points des Redmen de McGill. Par contre, les Super Redmen qui ont 2 matchs en main. Donc, gros. Et aussi, volleyball, les Pats, on reste dans le cadre des Pats. Il y avait un tournoi cette fin de semaine qui se déroulait ici même à l'UQTR. Tournoi ouais, volleyball. Féminin, hein? Comment? Volleyball féminin. Volleyball féminin, exactement, parce que il n'y a pas d'équipe masculine, bien sûr, à l'UQTR. Mm. Donc, 3 victoires pour les filles, ça n'a pas été compliqué. 3-0, 3-0 et 3-0. Donc, ça a bien été, là. Ça a bien été. On a une fiche de 5-1 présentement dans la saison. Et, écoutez, du côté des filles, donc, je ne sais pas, les filles, là, on sait que c'est les championnes en titre de la division, là. Donc, on est bien partis, là. Ça va bien. Coupe Grey? La Coupe Grey, ouais, ouais. Coupe Grey! C'est roulé hier. Se déroulait hier, victoire facile là, pour les Lions de la Colombie-Britannique. Ça n'a pas vraiment été un match si difficile que ça. Là. Le pointage n'indique pas vraiment la rencontre. Là. On l'a emporté 34-23 du côté des Lions. Qui avait, ma foi, tout de leur côté. Là. Écoutez, les Lions, c'est une belle histoire cette année parce qu'on avait perdu nos 5 premiers matchs, 6 de nos 7 premiers matchs. De la saison. Elle n'allait pas bien. On parlait de mettre dehors le vieux Wally Buono. Mais finalement, on s'est repris. Travis Lowley qui a pris la tête de cette offensive-là. On était en feu. Et pour le reste de la saison, alors qu'on avait perdu 6 de nos 7 premiers matchs, on n'a pas perdu un. On a perdu un, excusez. Donc, on a fini avec une fiche de 7 victoires et 11 défaites. Plutôt le contraire, 11 victoires et 7 défaites. On rentrait très confiants. On avait le momentum en entrant à la Coupe Grey et ça s'est terminé là. Disons, là, ça attire moins l'attention un petit peu à la Coupe Grey quand les Alouettes sont pas là. Ah, ça paraît. Fait. Donc, ça a passé un petit peu dans le tout vide. Hey, justement, Nicolas. Vas-y, okay. Je te vois gosser sur une vidéo depuis tantôt. Là. Mais l'as-tu vu? En fait, c'est c'est deux anciens de la Ligue canadienne de football. C'est Joe Capp qui est des Lions. Puis, en fait, c'est qui? C'est Joe Capp, c'est. Carlhead? Carlhead, exactement. Carl deux Head. Anciens joueurs de la CFL qui, 73 ans environ, baquet, là. Et il y a une grosse rivalité entre les deux joueurs. Et si je me trompe pas, c'est Joe Capp qui décide d'aller remettre une fleur à M. Ed. Et pas M. Ed, attends une minute, c'est pas M. Ed. C'est Head Coach, c'est pas Cal Ed. C'est Head Coach. C'est le Head Coach de l'équipe. Yeah, and Angelo Mosca, ça a plus d'allure. Angelo Mosca, donc décide d'aller lui remettre une fleur. Ça passe pas, l'autre il fout un coup de canne, ça se met à se battre. Puis là, c'est sur la scène devant tous les dignitaires. Manquait seulement la reine. Alors. Hey, mais les gars, ils s'aiment pas en tout. Il y a une rivalité. C'était pas très édifiant comme scène, vraiment. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, à cet âge-là, ça bat comme ça. Et puis, tu sais, c'est une réunion, là. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Allez sur les tubes. Ben, partagez donc sur la page d'Assemblage Requis. Ouais, fais ouais. Share Assemblage Requis, ça va être parfait. Ça vaut la peine de voir ça, le Cap Mosca Fight. Hey, je continue, je parle de Formule 1. Victoire de Mark Webber hier au Grand Prix du Brésil. On s'en foutait de toute façon. Vettel était assuré du titre depuis le Japon. La saison de Formule 1 cette année, ça a été vraiment comme une course de Formule 1. Je vous explique. On regarde le début, on check ce qui se passe. On s'endort pendant la course, pendant la saison en plein milieu. Puis on se réveille vers la fin, puis on espère qu'il s'est passé de quoi. S'il y a de quoi, sinon on retourne se coucher. Mm-hmm. C'était le cas, c'était une domination de Webber. Pas de Webber, plutôt de Vettel durant toute la saison. Et j'espère la chose suivante, c'est que on n'aura pas le droit à une domination de Vettel comme on a eu pendant quelques années avec Schumacher. J'aime mes rivalités, j'aime que ça se décide au dernier Grand Prix. Ouais. Le 2A, ça s'était décidé, c'était entre 3 gars, Vettel, Lewis Hamilton et Webber. Si je me trompe pas, Massa, un des deux, là, j'ai un petit blanc. Et donc, on va espérer que ça soit comme ça. Hey, on parle des Habs maintenant, qui est, ma foi du bon Dieu, pas une très bonne fin de semaine. Hein? Ben, c'est pas si pire. Bullshit. Ben, Non, mais hey, c'était quand même une grosse game contre Pittsburgh. C'était une grosse game contre Pittsburgh. Mais tu me diras pas que le Canadien a mérité une victoire dans ces deux matchs-là. Non, mais le non. Non. Non. Non. Non. Non. Toi, défaite... ça aurait pu être pire. Ouais. Ah, oh, ouais. Mais t'as-tu deux points à la fin de la... Non. Un sur trois. Non. Mais en même temps, est-ce que aussi c'est agréable à regarder? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui est agréable à regarder? Le Canadien, en ce moment. À la télévision. Pas le choix, là. Il n'y a pas le choix. L'infirmerie commence à peine à sortir, puis on a des joueurs qui, à foi du bon Dieu, ne livrent pas la marchandise. Je veux juste parler un peu de vendredi, le 3-1 contre les Flyers de Philadelphie. Canadien a joué pendant à peu près 10 minutes dans ce match-là, c'est-à-dire qu'à Petteri Nikkelainen a inscrit son premier de la saison, mais pour le reste, ça, c'était une domination totale. On a tiré là, du côté des Flyers, on a tiré au but 36 fois. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup contre Carey Price, tandis qu'on a seulement 24 lancés. Donc, Carey Price voit du rubber. Et le lendemain, contre les Pingouins, une victoire de 4-3 des Pingouins en prolongation. Est-ce que le Canadien méritait un meilleur sort lors de la période de surtemps? Oui, très d'accord. Tu faisais quoi, le meilleur sort? Ben, écoute, Carey Price, il l'avait gelé, la rondelle. Là, ouais. Un moment donné, là, on siffle pour rien d'habitude. On siffle rapidement du côté des arbitres. Et là, on a entendu, l'arbitre était mal placé. Il ne pouvait pas savoir si la rondelle était vraiment immobilisée, mais quand même... Chris Letang qui réussit à déjouer Price en prolongation. Letang qui avait le nez fracturé. Le nez qui pointait à 90 degrés environ à ce moment-là. Ah oh, ben écoute, il a goûté là. C'était un bon coup d'épaule de Max Pacioretty. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes. Doit-il être suspendu? Mais bon, on a été chercher un point sur trois. Contre les Pingouins, écoute, encore une fois, Carey Price a vu beaucoup de rubber. 42 tirs contre lui. 27 contre Marc-André Fleury. Carey Price livre la marchandise. Le problème, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui livrent pas la marchandise présentement. Je veux... Parce qu'à un moment donné, faut que tu te protèges. Là. Il fait les arrêts, là, mais... c'est ça. Faut garder les tirs en périphérie, ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire du côté du Canadien, essayer de bloquer les entrées au filet. Mais quand même, là, 45 tirs. La veille, j'ai dit 34. Faites le calcul, c'est une moyenne d'à peu près 38 tirs dans les deux matchs. Ouais, c'est énorme. Même 39 tirs, si on va être précis. C'est énorme. Donc oui, comme je dis, il y a des joueurs que j'ai hâte de voir assurer la relève un peu plus. 1-2, c'est Michael Camilleri présentement, là, seulement 11 points en 19 matchs. Il est devancé, entre autres, par David Desharnais au niveau des pointeurs. Desharnais, le petit Desharnais qui fait bien là, cette année. Gianta aussi, seulement 13 points en 24 matchs. Je m'attends à plus que Gianta. Ça marche pas comme ça devrait marcher là, du côté des troupes. Fort heureusement, là. Plekanec, Pacioretty, Eric Cole. J'adore Eric Cole. Là, après avoir eu un départ lent, là, il amène des belles choses présentement. Mais Travis aussi? Travis, mais même Owen. Il sort de où, Travis, cette année? Je sais pas. 8 buts, 2 passes, 10 points. C'est quand même... Parti pour une saison de... Écoute, fait 3 fois 8. 24 buts pour Travis Owen. Il va faire sauter à la banque... fin de la saison. Ben, ça continue. Est-ce qu'il va faire sauter à la banque? Non, là, je pense pas qu'il y a... Non, mais ça va être son contrat le plus lucratif. Non, je pense qu'il l'a présentement son contrat le plus lucratif. Oh, tu penses? Avec le Canadien, oui. Travis Moen, ben écoute, il est plus jeune. Là. Travis, là, je te dis ça. Travis Moen, présentement, là, c'est un gars qui est né en 1982. Ah, il est pas si vieux que ça. Non, 29 ans. C'est correct. Ma gaffe. Seulement 29 ans, Travis Moen. Comment ça, il avait signé... Le signer quand il était à maternelle. Ah oui. On l'a pas prendre de chance. Il était pas pire dans. Il a du talent. Le gros club de l'école John Fitzgerald. Hey, Gomez. Gomez, ben. Parle-nous de Gomez. L'as-tu appelé pour savoir ce qui se passait? Il est blessé, il file pas. Non, mais blessé. Il file pas. Hein? File pas. Vraiment file pas. Blessé ou? File pas. Ouais, il est blessé. Il est blessé. Je sais plus où, là, mais il est blessé. Au bas du corps. Il est blessé, en tout cas, il est blessé dans son effort depuis un an. Non, mais là, je pense que c'est rendu une blessure psychologique. Puis en même temps, jamais je douterais que quand on met un joueur sur la liste des blessés, il est réellement blessé. Le problème, c'est qu'il est aussi utile présentement sur la liste des blessés que dans l'alignement. Moi, c'est justement ça que je voulais te parler, l'harceleur. Présentement, l'harceleur, là, je trouve qu'il joue du bon hockey. C'est un gars, on a de la misère, on le sait, on a de la misère à développer nos jeunes. On a la chance d'avoir l'harceleur qui, si je me trompe pas, 6 pieds 1, a le fameux physique qu'on cherche chez un centre à Montréal qu'on cherche. Le problème, on le fait pas jouer sur les deux premiers trios. Va falloir apprendre que l'harceleur, oui, va faire des erreurs défensivement, oui, va faire des petites gaffes, Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer si on veut le développer. Sinon, l'harceleur va être ni plus ni moins qu'un centre de troisième trio dans la Ligue nationale parce qu'on va avoir nuit à son développement. Je veux voir l'harceleur plus souvent sur la patinoire. Et là, avec la blessure de Gomez, on n'a pas le choix là, d'y donner un peu de responsabilité. Mais là, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Parce que les centres du Canadien, on le sait là, présentement, là, c'est soit David Desharnais, soit... ouais, c'est ça. Là, Thomas McKinnon, c'est ça que je cherchais. Donc, est-ce qu'on descend? Qu'est-ce qu'on fait avec Desharnais? J'ai l'impression que j'aimais beaucoup Kostitsa et Desharnais ensemble. Andrei, là, qui joue du hockey correct, là, avec ses 9 points. Mais bon, je veux voir l'harceleur avec plus de temps de jeu. Je pense que ça va être une bonne chose. Et ça commence cette semaine. Là, trois gros matchs cette semaine là, du côté du Canadien. On s'en va dans l'Ouest. Et là, c'est ça, je m'en disais. J'aime pas vraiment la façon qu'on va s'en aller dans l'Ouest. C'est-à-dire deux défaites, défaites de suite. C'est pas exactement ça. Là, on se prend contre Anaheim. On va affronter San Jose, on va affronter les Kings. Anaheim, là, présentement, là, tout le monde s'amuse contre Anaheim. Là, c'est un club qui a beaucoup de difficultés. Cette défaite d'affilée, Corey Perry, Ryan Getzlaff, Bobby Ryan qui sont payés à rien faire. Là. Je regrette fortement d'avoir pris les trois dans un de mes poules. Ça va te coûter cher. Je suis dernier, c'est pathétique. Ben, journaliste, hein? Ben là, écoute, il n'y a pas personne qui pouvait s'attendre à ça. Là. On parle d'un gars, Corey Perry, là, qui a gagné, voyons, toi. C'est incroyable de voir le peu que ces gars-là présentement apportent à leur équipe. Ça se reflète sur leur position au classement. Présentement en AM, avant-dernier, 14e, tout juste devant les pathétiques Blue Jackets de Columbus. Donc, on va voir. On va devoir travailler aussi. Là, j'ai hâte au retour de Markov parce que du côté de l'avantage numérique. C'est quand, lui? Ben, c'est quand. Il n'y a pas de date cetée. On va espérer que c'est aussi. Parce que du côté de l'avantage numérique, on est 27e dans la Ligue nationale du côté de l'avantage numérique. Donc, vraiment, du côté de. On attend le retour de Markov et. Ça devrait aider pour l'avantage numérique et aligner les victoires. Formidable. Merci, Nicolas Ducharme. Fait plaisir. Journaliste de l'Écho de Trois-Rivières. Fait plaisir. On se retrouve lundi prochain à 8h30 avec une autre chronique sport. Si j'ai le temps, si Dieu le veut. On verra bien, pas de temps en temps. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Et demain, à l'émission, on a Stéphanie Gagné à 8h avec sa chronique Ton plat favori. Oui. Évidemment, les crédités de François Lier, le dessin délicieux de Mathieu. C'est tout à fait vrai. Les accompagnements, si on veut, du plat favori de Stéphanie Gagné. Ensuite, à 8h30, on aura la chronique de Sébastien Dulude. Va voir, j'y suis. Et cette semaine, c'est encore une chronique mondaine. Il fait son Jean d'ici, Jean dit ça. Oh, ouais. C'est très, très drôle. Soyez-y, c'est demain à l'émission à partir de 7h. Passez une excellente journée. On se quitte pour quelques minutes à peine en musique Malajube avec Radiologie. Puis après ça, il y aura Melon Miel et Chou de Bruxelles. Donc, C'est fou, n'arrête pas. Ben non, C'est fou, n'arrête jamais, ça n'arrête juste pas. Et après Melon Miel, il y aura le dîner de con avec Denis Janvier. Alors voilà, à demain. Bye bye. Merci. Bye bye. Nick. Bye. Salut. Merci Xavier. Merci Guy One. Merci les enfants. Merci les enfants. Bye.